matin, tu es tombé. Ils ont fini par te couper. Ils ont commencé par le bas, puis ils t'ont lié les bras. Tu dressais majestueux la tête dirigée vers les cieux. Dis, tiens, tu étais le plus beau, mais ils t'ont couché sur le dos. Mon beau sapin, tu n'es plus le roi, ni de rien, ni des forêts. Mon beau sapin, tu n'es plus le roi. Ce matin, ils t'ont guillotiné. Au milieu d'une place, tu seras pour un mois l'exil de tous ces gens que tu déplaces. Pour te rendre un coup de gloire, ils t'ont paré de nuits de lumière. Tu représenteras l'espoir, mais tu feras oublier la misère. Sapin, tu n'es plus le roi, ni de rien, ni des forêts. Mon beau sapin, tu n'es plus le roi. Ce matin, ils t'ont guillotiné. Chaque jour, tu souriras à quelques milliers de personnes. Sous tes branches, l'enfant rêvera. Au premier temps, il t'abandonne. Ils te couperont en morceaux, te feront brûler sur le bûcher. Il ne restera que des photos de ta splendeur déjà oubliée. Mon beau sapin, tu n'es plus le roi, ni de rien, ni des forêts. Mon beau sapin, tu n'es plus le roi. Ce matin, ils t'ont brûlé.